fatigué. On va se désaltérer au pub irlandais. Là-bas les hommes se supportent, là-bas les hommes se comprennent. Dès que t'as franchi la porte, tout le monde est à la même enseigne. Au pub irlandais. Dans la salle, y'a que des amis qui viennent oublier leurs soucis. Qui viennent juste s'amuser au pub irlandais. Là-bas on vient, on joue les bûchers. Là-bas on s'échange les paroles. On se met à discuter devant un verre d'alcool. Mais on va où? Au pub irlandais. De la musique et des chants sceptiques. Mais on va où? Au pub.